les qualités et caractères du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté d'un physique et d'une moralité telle que l'on ne saurait les décrire. Son influence sur les âmes était telle que les hommes se dévouèrent à lui, veillant sur lui et l'estimant comme jamais ils ne le firent avec autre que lui. Ceux qui le fréquentèrent l'aimèrent tellement qu'ils sacrifièrent leur vie pour lui éviter la plus infime égratignure. L'amour que nourrissaient pour lui ses compagnons trouvait sa raison d'être dans la perfection et la singularité de son être. Nous allons exposer ci-dessous différents récits concernant sa personnalité hors du commun. À vrai dire, traiter ce sujet de façon exhaustive est tout à fait au-delà de nos capacités. Un physique parfait. Décrivant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui s'était arrêté chez elle sur le chemin de Médine, Umm Abad al-Khuza'iyya dit à son mari « Il est d'un éclat manifeste. Son visage est rayonnant, il est d'une bonne moralité. Il n'est pas ventru et n'a ni une petite tête ni un cou mince. Il est beau de visage, gracieux. Ses yeux sont grands et d'un noir foncé, ses sourcils fins et longs. Il a une voix rauque, son cou est long, ses cheveux sont d'une noirceur intense. Son silence le drape de majesté, son parler de splendeur. Vu de loin, il apparaît comme le plus beau des hommes, de près, il l'est davantage. Ses paroles sont agréables, bien ordonnées, comme les grains d'un collier que l'on égrène, et dépourvues de tout mot superflu. Il est de taille moyenne. Des trois hommes que j'ai vus, il est le plus beau et le plus auguste. Ses compagnons prêtent attention à ses propos et s'empressent de faire ce qu'il leur ordonne. Il n'est pas renfrogné et il ne traite pas les autres de radoteurs. » Ali ibn Abi Talib l'a décrit ainsi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était de taille moyenne, ni trop grand, ni trop petit. Ses cheveux n'étaient ni bouclés, ni lisses et flottants. Son visage n'était ni maigre, ni plein, mais quelque peu rond. Son teint était blanc rosé, ses yeux étaient noirs et ses cils longs. L'extrémité des os de ses coudes, de ses épaules et de ses genoux était très développée. Une ligne de poils minces descendait de sa poitrine jusqu'à son ventre, mais le reste de son corps était pratiquement dépourvu de poils. Ses mains et ses pieds étaient épais. Quand il marchait, il levait ses pieds avec vigueur comme s'il descendait une pente. Lorsqu'il se retournait, c'était de tout son corps. Entre ses épaules, il avait le sceau de la prophétie. Il est le sceau des prophètes, le plus généreux, le plus brave et le plus sincère des hommes. Il était le plus respectueux de ses engagements, le plus doux et le plus sociable. Celui qui le voyait inopinément éprouvait une crainte révérentielle à son égard. Celui qui le fréquentait l'aimait. Celui qui le décrivait disait « Je n'ai jamais vu un homme semblable à lui ». Selon Jabir ibn Samura, il avait une large bouche, le blanc de ses yeux était teinté de rouge et il était peu charnu. Abu Tufail a dit « Il avait le teint clair, un beau visage. Il n'était ni gros ni mince, ni grand ni petit. » Anas ibn Malik a dit « Il avait de larges mains. Il n'était ni blanc mat ni brun. Lorsqu'il mourut, il n'avait pas sur la tête et dans toute sa barbe 20 poils blancs. Toutefois, il en avait un peu sur ses tempes. » Dans une autre version, nous lisons « Il avait quelques poils blancs épars sur la tête. » Abu Juhayfa a dit « J'ai vu quelques poils blancs entre sa lèvre inférieure et son menton. » Abdullah ibn Busr a remarqué « Il y avait entre sa lèvre inférieure et son menton quelques cheveux blancs. » Selon Al-Bara, il avait les épaules carrées et distantes l'une de l'autre. Ses cheveux atteignaient le lobe de ses oreilles. Je l'ai vu portant une tunique rouge et je n'ai jamais vu quelqu'un de plus beau que lui. Au début, il laissait ses cheveux tomber sur le front car il aimait se conformer aux habitudes des gens du livre. Mais plus tard, il rejeta ses cheveux de chaque côté de la tête. Al-Bara a également dit « Il était plus beau que les gens, de visage et de caractère. » Lorsqu'on lui demanda si le visage du prophète alayhi salatu wassalam était allongé, il répondit « Non, au contraire, il était rond comme la lune. » Al-Rabi'a bint Mu'awad a dit « S'il t'avait été donné de le voir, tu aurais vu un soleil levant. » De même, Jabir ibn Samura dit Je l'ai vu une nuit de pleine lune, alors qu'il portait une tunique rouge. Je me mis ensuite, tour à tour, à le regarder et à regarder la lune. Et voilà que je le trouvais plus beau que la lune. Abu Huraira a dit « Jamais je n'ai vu plus bel homme que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On aurait dit que le soleil lui parcourait le visage. Je n'ai jamais vu quelqu'un marcher d'un pas plus alerte que le sien. C'était comme si la terre se pliait sous ses pieds. Il nous arrivait d'être épuisés en marchant à ses côtés, tandis que lui n'éprouvait aucune fatigue. » Ka'b ibn Malik a dit « Son visage était radieux dans ses moments de réjouissance. Il donnait alors l'air d'être un morceau de la lune. » Un jour, la chaleur le fit transpirer dans la chambre de Aïcha et les traits de son visage rayonnèrent. Le voyant dans cet état, elle cita ce vers d'Abu Kabir al-Hudali. Voyant les traits de son visage, ceux-ci scintillent, tel le nuage de pluie drue lançant les éclairs. Abu Bakr avait pour habitude de dire lorsqu'il le voyait « Voici l'intègre et l'élu qui sans cesse appelle au bien. On dirait la lumière de la pleine lune libérée de l'obscurité des nuages. » Omar, quant à lui, récitait les vers composés par Zuhair pour décrire Haram ibn Sinan. « Si homme tu n'étais, la lune brillant dans une nuit claire tu serais. » Puis il ajoutait ceci, « Ainsi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ses moments de colère, son visage rougissait comme si l'on avait crevé sur ses pommettes une noix de grenade. » Jabir ibn Samura a dit, « Ses jambes étaient en harmonie avec le reste de ses membres. Jamais il ne riait aux éclats, se contentant de sourire. Toutes les fois que je le regardais, je disais, « Il a les yeux d'un noir foncé, ils ne sont pourtant pas peints de kohol, de colir. » Selon Ibn Abbas, ces deux incisives centrales laissaient entre elles un interstice qui semblait, lorsqu'il parlait, laisser filtrer une lumière. Quant à son cou, il était aussi beau que celui d'une poupée faite d'argent pur. Il avait de longs cils, une barbe épaisse, un large front. Ses sourcils étaient légèrement longs, mais n'étaient pas pour autant joints. Il avait un nez aquilin, des joues rebondies et luisantes, le buste droit. Du haut de sa poitrine jusqu'à son nombril se dessinait une ligne de poils fines. Les autres parties de sa poitrine et de son ventre ne présentaient pas de poils. Ses bras et ses épaules étaient couverts de poils. Sa poitrine était large et aussi plate que son ventre. Il avait de longs avant-bras et des mains aux larges paumes. Ses jambes et ses avant-bras étaient bien droits. Ses pieds et ses mains étaient longs. Lorsqu'il quittait quelqu'un, il levait les pieds avec vigueur, hâtant le pas et marchant très légèrement. Anas a dit « Je n'ai jamais touché de soie ou de satin plus doux que la paume de la main du prophète, alayhi salatu wassalam, et je n'ai jamais respiré un parfum ou une odeur plus suave que le parfum ou l'odeur du prophète, alayhi salatu wassalam. » J'ai mis sa main sur mon visage, elle était plus froide que la neige et plus parfumée que le musc. Jabir ibn Samura, qui était alors un jeune enfant, a dit « Il passa sa main sur ma joue. Elle était fraîche et il s'en dégageait une telle senteur que l'on pouvait penser qu'il venait de la sortir du sac où les marchands de parfums portent leurs parfums. » Anas a dit « Sa sueur était semblable à des perles. » Sulaym a dit « L'odeur de sa sueur était plus agréable que celle du parfum. » Jabir a dit « Quiconque empruntait un chemin par où était passé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, savait qu'il l'avait traversé tellement il était empreint de son parfum ou de l'odeur de sa sueur. » Le sceau de la prophétie, qui était de la taille d'un œuf de pigeon, était apparent entre ses épaules sur le côté gauche et il se caractérisait par des taches ressemblant à des grains de beauté. Une âme parfaite et une noblesse de caractère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était réputé pour son éloquence. Son style se caractérisait par sa légèreté et sa simplicité, ses propos se distinguaient par leur clarté, ses mots étaient bien cadencés et le sens qui s'en dégageait était toujours approprié. Il avait la faculté d'exprimer beaucoup d'idées en peu de mots et ses paroles dégageaient des sagesses merveilleuses. Il connaissait les dialectes des Arabes, s'adressant à chaque tribu dans son langage. Des Bédouins, il tenait l'éloquence, et des citoyens, la clarté et la beauté de leur langage. Il avait en outre le soutien divin représenté par la révélation. La longanimité, l'endurance et le pardon étaient des qualités dont Allah l'avait doté. Et s'il n'est pas d'homme magnanime qui n'ait failli, la patience du prophète alayhi salatu wassalam ne faisait qu'augmenter face au mal causé par ses contradicteurs, et son indulgence ne cessait d'accroître devant l'irrévérence de l'ignorant. Aïcha a dit, « Quand il devait choisir entre deux choses, le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam choisissait la plus facile, pourvu qu'il n'en résulte pas de péché. Si elle devait entraîner un péché, il était le plus ardent des hommes à s'en éloigner. Jamais l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam ne se vengea d'une injure personnelle, mais chaque fois que les limites d'Allah étaient violées, il en tirait vengeance au nom d'Allah. Il était le dernier à se mettre en colère et le premier à être satisfait. Sa générosité était sans égale, distribuant des dons à la manière de qui ne craint point la pauvreté. Ibn Abbas a dit « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des hommes. Sa générosité s'exerçait davantage pendant le mois de Ramadan, lorsque le visitait l'ange Gabriel, Djibril, car durant chaque nuit de Ramadan, il venait trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils étudient ensemble le Coran. » L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, était certes plus généreux que les vents qui emmènent la pluie. Jabir a dit, le prophète, sallallahu alayhi wasallam, ne répondait jamais négativement à une requête. Son courage, son héroïsme et sa force étaient notoires. Il était le plus vaillant des hommes. Il connut des moments difficiles. Plus d'une fois, des hommes braves et audacieux s'étaient repliés, le laissant seul. Mais il persévéra dans le combat avec fermeté, faisant face à l'ennemi et ne le fuyant point. Tous les braves se sont enfuis ou ont été chassés du champ de bataille au moins une fois dans leur vie, excepté le prophète, alayhi salatu wassalam. Ali a dit, « Au plus fort du combat, nous nous abritions derrière l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il était toujours le plus proche d'entre nous des lignes de l'ennemi. » Anas a dit, une nuit, les Médinois furent réveillés, paniqués par une voix qui appelait. Les gens sortirent dans la direction d'où venait la voix et rencontrèrent en chemin le prophète alayhi salatu wassalam qui, lui, en revenait. Il était monté à cru sur un cheval d'Abu Talha et portait son épée à son épaule. Il leur dit « Ne craignez rien, ne craignez rien ». Il était le plus pudique des gens et le plus prompt à baisser son regard. Abu Saïd al-Khudri a dit « Il était plus pudique qu'une vierge dans sa chambre. Quand une chose lui déplaisait, on le voyait sur son visage. Il ne fixait jamais quelqu'un du regard et baissait toujours les yeux, fixant davantage la terre que le ciel. Jamais il ne disait aux gens ce que les gens n'aimaient pas entendre, par pudeur et noblesse. Il ne divulguait jamais le nom d'une personne à propos de laquelle on lui avait fait un rapport défavorable, disant seulement « Pourquoi certains font-ils telle ou telle chose ?» Ces vers du poète Al-Farazdaq s'appliquent à lui plus qu'à quiconque. Baissant les yeux par pudeur, par respect, l'on baisse le regard devant lui, n'adressant parole à lui que si son sourire reluit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus juste des hommes, le plus chaste, le plus sincère et le plus respectueux du dépôt. Tous ceux qui l'ont côtoyé ont témoigné de ses nobles qualités, qu'il s'agisse de ses amis ou de ses ennemis. Avant même qu'il n'assume la charge de la prophétie, il était déjà surnommé le digne de confiance, Al-Amin. Durant la période anté-islamique, les gens le prenaient pour arbitre dans leurs litiges. At-Tirmidhi a mentionné d'après Ali qu'Abu Jahl a dit au prophète alayhi salatu wassalam, « Nous ne te traitons pas de menteur, mais simplement nous ne croyons pas ce que tu nous as apporté. » C'est à la suite de cette déclaration qu'Allah révéla le verset suivant. « Nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur. Mais ce sont les versets, le Coran d'Allah, que les injustes renient. » Sourate 6, verset 33, selon le sens du verset. Lorsque Héraclius demanda à Abou Soufiane, « L'accusiez-vous de mensonge avant qu'il ne dise ce qu'il a dit ?» Abou Soufiane répondit « Non ». Il était le plus humble des gens, dépourvu de toute arrogance, interdisant aux gens de se lever pour lui comme on le faisait pour honorer l'entrée des souverains. Il s'asseyait avec les pauvres, acceptait l'invitation de l'esclave et se mêlait à ses compagnons. Aïcha a rapporté qu'il réparait lui-même ses sandales, cousait ses vêtements et participait aux tâches ménagères comme le faisaient les autres hommes. Il nettoyait ses vêtements, trayait la brebis et assurait son propre service. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus respectueux de ses engagements, ainsi que des liens de parenté, le plus clément, le plus doux avec les gens, le plus sociable et le plus poli. La grossièreté et l'indécence lui étaient tout à fait étrangères. Il n'était pas maudisseur ni ne criait dans les marchés. Il pardonnait, ne cherchant point à se venger. Il n'autorisait à personne de marcher derrière lui. Il s'habillait et mangeait comme ses esclaves. Il rendait service à quiconque l'aidait. Il n'a jamais dit à son serviteur « Ouf !» en signe d'impatience ou de réprobation, ni ne l'a blâmé pour avoir fait ou négligé de faire quelque chose. Il aimait les pauvres, s'asseyait avec eux et assistait à leurs funérailles. Il n'a jamais méprisé un homme pour son dénuement. Un jour, alors qu'il voyageait avec ses compagnons, l'heure de préparer le repas arriva. Il leur demanda d'égorger une brebis. Un homme dit « Je vais le faire ». Un autre dit « Je m'occuperai de la cuisson ». Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Je vais aller chercher du bois pour le feu ». Ses compagnons lui dirent « Nous ferons cela à ta place ». Il répondit « Je sais que vous êtes prêts à le faire, mais je déteste être privilégié. Dieu n'aime pas que l'un de ses serviteurs soit privilégié par rapport à ses compagnons. » Il partit alors chercher du bois à brûler. Hind ibn Abi Hala l'a décrit en ces termes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était continuellement triste, méditant sans cesse. Il ne se reposait jamais longtemps et ne parlait que lorsque cela était nécessaire. Il restait silencieux pendant de longs moments. Ses paroles étaient concises mais pleines de signification. Il était d'un caractère doux, il n'était ni dur ni vil. Il magnifiait les bienfaits d'Allah, aussi infimes fussent-ils. Il ne critiquait rien et lorsqu'il n'appréciait pas une nourriture, il n'en disait rien. Lorsqu'il se mettait en colère, rien ne pouvait l'arrêter, mais sa colère servait à défendre la vérité et jamais sa propre personne. Lorsqu'il désignait un objet, il le faisait avec toute sa main et non en le pointant du doigt, et il tournait la paume de celle-ci pour exprimer son étonnement. S'il était en colère, il détournait à la fois son visage et le restant de son corps, mais satisfait, il se contentait de baisser les yeux. Au lieu de rire, il se contentait de sourire, laissant apparaître des dents aussi étincelantes que le cristal. Il ne parlait qu'à bon escient et s'employait à unir ses compagnons. Ceux qui étaient honorés par leurs peuples ou tribus étaient respectés par lui, et il les désignait pour diriger ceux-ci. Il ne refusait son sourire à personne et il restait détendu même lorsqu'il avait affaire à une personne hostile. Il s'informait de ses compagnons absents et s'enquérait de l'état des gens. Il confirmait ce qui était convenable et critiquait le blâmable, essayant de l'éradiquer. Il faisait preuve de modération dans tous les domaines. Il agissait toujours avec conscience de peur que les autres ne se laissent aller à l'insouciance. Chaque affaire recevait de sa part l'attention qui lui était due. Il ne renonçait pas à la vérité et jamais il ne s'en écartait. Ses amis intimes étaient les meilleurs des gens et il avait une considération particulière pour ceux qui prodiguaient en abondance des bons conseils à autrui. Les hommes qui occupaient auprès de lui le plus haut degré étaient ceux qui étaient les plus bienveillants et les plus serviables à l'égard d'autrui. Le souvenir d'Allah était une préoccupation pour lui, notamment lorsqu'il s'asseyait ou se levait. Il n'aimait bénéficier d'aucune place privilégiée au sein d'un groupe, s'asseyant là où il y avait une place libre. Il demandait à ses compagnons d'en faire de même. Dans une assemblée, il traitait tous les participants de façon identique, si bien que celui à qui il s'adressait pensait que nul autre n'était plus honoré par lui. Quiconque se tournait vers lui pour quelque besoin était écouté avec patience jusqu'à ce qu'il finisse et le quitte de lui-même. Il n'a jamais rejeté la requête de quelqu'un, et si celle-ci était de réalisation difficile, il lui disait des paroles bienveillantes. Sa jovialité et sa haute moralité touchaient tous les hommes, devenant ainsi tel un père pour chacun d'entre eux. Sa justice ne s'opérait pas en établissant des distinctions entre les gens, et les meilleurs à ses yeux étaient ceux qui craignaient le plus Allah. Quand des compagnons étaient réunis et que le prophète alayhi salatu wassalam se trouvait parmi eux, on n'entendait aucune voix s'élever et aucune querelle n'éclatait. La magnanimité, la pudeur, la patience et l'honnêteté régissaient alors les échanges. L'inviolable n'était jamais transgressé. Ils éprouvaient une sympathie réciproque de par la crainte qu'ils éprouvaient pour Allah. Ils respectaient le vieillard, faisaient preuve de miséricorde envers les jeunes, secouraient les nécessiteux et réjouissaient le cœur de l'étranger de passage. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était toujours jovial, sociable et d'un abord facile. Il n'était ni rude, ni dur, ni criard, ni obscène. Et il n'aimait ni blâmer, ni se montrer trop élogieux à l'égard d'une personne. Il délaissait ce qu'il ne désirait pas et personne ne désespérait de lui. Il ne connaissait pas l'ostentation, ne parlait pas beaucoup et ne se mêlait pas de ce qui ne le regardait pas. Il n'a jamais dénigré, blâmé ou cherché à connaître les défauts des autres. Il ne parlait que des choses pour lesquelles il y avait une récompense divine à espérer. Son auditoire l'écoutait attentivement, les têtes baissées, et celui qui s'exprimait en sa présence était assuré de pouvoir finir ce qu'il avait à dire sans qu'une polémique n'éclate à ce sujet. La discussion ne déviait pas du sujet abordé par la première personne à avoir pris la parole. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, souriait de ce qui faisait sourire ou rire ses compagnons, et il admirait ce qu'ils admiraient. Il se montrait patient face à l'étranger au langage rustre. Il avait l'habitude de dire ceci. « Lorsque vous voyez une personne chercher à satisfaire quelques besoins, aidez-la. » Kharija ibn Zayd a dit « L'attitude du prophète alayhi salatu wassalam était celle qui était la plus empreinte de gravité et de dignité. Il était souvent silencieux et il ne parlait pas sans nécessité. Il se détournait de ceux dont le parler était grossier ou impoli. Il ne riait pas aux éclats, mais souriait. Ses paroles étaient claires, distinguant la vérité du faux, dénuées d'excès ou d'insuffisance. En sa présence, par respect et pour suivre son modèle, ses compagnons souriaient également, s'abstenant donc de rire aux éclats. En somme, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était doté d'attributs parfaits et exceptionnels. Et cela n'est nullement étonnant, car c'est Allah lui-même qui assurait son éducation. Le louant pour sa moralité, Allah dit, selon le sens du verset, « Et tu es certes d'une moralité imminente. » Sourate 68, verset 4. Ce sont ses qualités qui ont contribué à rapprocher de lui les esprits, à lui faire gagner les cœurs et à faire de lui un guide aimé. Ses atouts lui ont permis de supprimer l'indocilité des gens de son peuple qui, après lui avoir longtemps résisté, finirent par entrer par vagues successives en islam. L'exposé que nous avons fait de sa perfection et de ses nobles qualités n'est aucunement exhaustif. C'est qu'à vrai dire, l'on ne peut atteindre une pleine connaissance de la grandeur et des attributs qui furent les siens. Qui, d'ailleurs, peut prétendre connaître la réalité de l'homme le plus éminent de l'existence, lequel est parvenu au paroxysme de la perfection, s'illuminant de la lumière divine au point que son caractère était devenu le Coran. Ô mon Dieu, répands tes bénédictions sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, de la même façon que tu as répandu tes bénédictions sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim, tu es digne de toute louange, très glorieux. Ô mon Dieu, comble de bienfaits Muhammad et la famille de Muhammad, de la même façon que tu as comblé de bienfaits Ibrahim et la famille d'Ibrahim, tu es digne de toute louange, très glorieux. Fin de l'ouvrage.